Chant numéro 2. Déjà l'astre du jour touchait cet horizon, dont le méridien, dans son point le plus haut, passe au-dessus du site où gît Jérusalem. Cependant que la nuit, tournant à l'opposé, sortait des eaux du Gange avec cette balance qui lui tombe des mains lorsqu'elle a trop vieilli. En sorte qu'à l'endroit où je restais alors, le beau visage blanc et vermeil de l'aurore prenait avec le temps des tons de feuilles mortes. Nous nous trouvions toujours au bord de cette mer, comme qui pense tant à son prochain visage qu'il chemine en esprit dès avant le départ. Quand voici que soudain, comme au seuil du matin, on voit Mars rougeoyer sous une brume épaisse qui s'élève des flots au-dessus du ponant, j'ai vu, puissais-je encore le voir, un grand éclat qui s'approchait de nous si vite sur la mer que nul vol ne saurait ressembler à sa course. J'en détournai les yeux l'espace d'un moment afin d'interroger mon guide, et je le vis, lorsque j'y retournais, plus grand et plus brillant. De chacun des côtés luisait autour de lui je ne sais quoi de blanc, et comme il s'approchait, une blancheur pareille apparut sous ses pieds. Mon maître, cependant, attendait sans broncher, et dans les blancs premiers, distinguant les deux ailes, il reconnut enfin quel était le nocher, et me dit aussitôt, « Vite, vite, à genoux, voici l'ange de Dieu, tu dois joindre les mains, tu reverras souvent ici de tels ministres. Vois comment, dédaignant les moyens des humains, il se passe de rames et ne veut d'autre voile pour venir de si loin que celle de ses ailes. Tu vois comme il les tend vers le ciel, battant l'air de la plume éternelle et qui ne connaît pas ce que c'est que muet comme un mortel plumage. Plus cet oiseau divin se rapprochait de nous, plus on lui distinguait clairement le visage, mais l'œil pouvait à peine supporter son éclat. Je baissai le regard, et lui, venant au bord, toujours sur son bateau si rapide et léger, il effleurait à peine la surface de l'eau. Le céleste nocher se tenait à la poupe. On lisait dans ses traits son état bienheureux, et plus de sans-esprit remplissait son esquif. In exit Israel de Egypto, chantait-il tous en chœur, d'une commune voix, avec tout ce qui fait la suite de ce psaume. Puis, de la sainte croix, il fit sur eux le signe, et dès qu'ils prirent pied sur le rivage, l'ange s'éloigna promptement, comme il était venu. Les nouveaux arrivants semblaient tout ignorer de l'endroit. Leurs regards se promenaient partout, comme de gens qui vont de surprise en surprise. Le soleil nous dardait ses rayons de partout, et il avait déjà, de l'éclat de ses flèches, chassé le capricorne à l'autre bout du ciel, quand cette gent nouvelle leva les yeux vers nous, nous disant « Si jamais vous pouvez nous le dire, montrez-nous le chemin pour gravir la montagne. » « Sans doute, pensez-vous, leur répondit Virgile, que nous connaissons bien cet endroit où nous sommes. Nous sommes, comme vous, de simples pèlerins. Nous venons d'arriver peu d'instants avant vous par un autre chemin, si rude et si terrible qu'à présent le monter va nous paraître un jeu. » Cependant, les esprits, qui s'étaient rendus compte, à me voir respirer, que je n'étais pas mort, pâlirent de surprise et tremblèrent d'effroi. Comme on court au-devant du messager qui porte le rameau d'olivier pour avoir des nouvelles, sans que personne ne pense aux hasards de la presse, ainsi rivaient alors leurs regards dans les miens, les esprits bienheureux qui se trouvaient là-bas, presque oubliant le soin de leur félicité. Entre autres, j'en vis un qui s'approchait de moi et qui vint m'embrasser avec tant d'amitié que j'aurais bien voulu lui rendre l'appareil. Ombre, où l'on ne voit qu'une vaine apparence. Par trois fois je saignis son corps avec mes bras, et ne fis que croiser mes bras sur ma poitrine. Je crois que dans mes yeux on lisait ma surprise, car l'ombre eut un sourire et recula d'un pas, et moi, le poursuivant, je voulus le rejoindre. Il me dit doucement de ne plus m'avancer, et l'ayant reconnu, je lui dis la prière de s'arrêter un peu pour causer avec moi. Alors il répondit, « Autant que je t'aimais avec mon corps mortel, je t'aime délivré, et je vais m'arrêter. Mais toi, que fais-tu là ?» Je dis, « Cher Cazella, j'entrepris ce voyage afin de retourner plus tard à cet endroit. Mais toi, qui t'a donc fait si longuement tarder ?» Et sa réponse fut, « Je n'ai pas à me plaindre. Si celui qui conduit quand il veut ce qu'il veut m'avait jusqu'à présent refusé ce passage, puisque sa volonté n'est que pure justice. Voici bientôt 3 mois qu'il a permis l'entrée à celui qui l'implore, et n'en rebute aucun. Et moi, qui me trouvais tourné vers le rivage où le Tibre écumant va se charger de sel, je fus bienveillamment accueilli dans son sein. Il vole maintenant vers cette même rive, car c'est toujours là-bas que vont se rassembler ceux qu'on n'a pas voués au profond Achéron. Si de nouvelles lois, lui dis-je, ne t'enlèvent de ces chansons d'amour qui me faisaient jadis supporter mieux mon mal, l'usage ou la mémoire, viens consoler, veux-tu, pour un instant mon âme, que le tourment poursuit comme il l'a toujours fait, du moment où je vins avec mon corps ici. Amour qui dit au cœur ses raisons, se mit-il à chanter, d'une voix si douce et si prenante, que sa douceur revient toujours dans mon esprit. Mon Seigneur et moi-même, et toute cette foule qui venait avec lui, nous étions si contents qu'aucune autre pensée ne venait me troubler. Nous étions tout ouïes, écoutant transporter les accents de sa voix, lorsque le bon vieillard cria. « Que faites-vous, esprit trop paresseux? Quels sens ont cet arrêt et cette nonchalance? Courez vers la montagne et lavez cette croûte qui cache à vos regards le visage de Dieu. Comme un vol de pigeons qui cherchent leur pâture et picorent en paix et sans se rengorger selon leur habitude ou le grain ou l'ivraie, si quelque objet survient dont ils sont effrayés, abandonnent aussitôt le repas commencé, pressés qu'il est soudain par de plus grands soucis, tels je voyais les gens fraîchement arrivés, abandonner le champ et foncer vers la côte, comme celui qui court sans savoir où courir. Et nous ne fûmes pas les moins pressés de tous. »